1463. En l'an 1463, Fra Filippo, ayant achevé ce grand travail, peignit à la détrempe, pour l'église de Saint-Jacques, à Pistole, une très belle Annonciation, sur la commande de Messire Jacques Bellucci, dont il nous a laissé dans ce susdit tableau un portrait plein de vie. Dans la maison de Polydore Bracciolini, il y a de sa main une naissance de la Vierge, peinte sur bois, et dans la salle de séance des Huit, à Florence, il y a un demi-cercle où Fra Filippo a peint, à la détrempe, une Vierge avec l'enfant sur son bras. Dans la maison de Louis Capon, il y a un autre tableau sur bois, une Vierge, qui est très belle. Et dans la maison de Bernard Vecchietti, gentilhomme florentin, homme de plus de vertu et de bonne qualité que je ne saurais le dire, il y a de la main de Fra Filippo, sur un petit panneau, une très belle figure de saint Augustin en train d'étudier. Encore ce tableau est-il dépassé en excellence par un saint Jérôme pénitent, de même dimension, dans les appartements privés du duc de Caume. Et si Fra Filippo fut d'un mérite éminent dans toutes ses peintures, il faut dire qu'elle se surpassa encore dans ses petits tableaux, ainsi que cela peut se voir dans les près d'elle de tous les grands tableaux qu'il eut à peindre. En résumé, il fut tel que dans son temps, aucun autre ne lui fut supérieur, et que, même dans notre temps, bien peu se sont élevés plus haut que lui. Et Michel-Ange non seulement l'a toujours loué, mais l'a imité en bien des choses. Il a fait aussi, pour l'église de Saint-Dominique-le-Vieux, à Pérouse, un tableau qui a été placé ensuite au maître-autel de cette église. On y voit la Vierge, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Louis et Saint-Antoine, abbé. Messire Alexandre d'Egli Alessandri, qui était alors chevalier et son ami, lui fit peindre pour l'église de son village de Vincigliata, sur le territoire de Fiesole, un tableau avec un saint Laurent et d'autres saints. Et Fra Filippo y mit le portrait du susdit Alexandre et de ses deux fils. Ce Fra Filippo eut toujours beaucoup de goût pour les personnes gaies et vécut toujours lui-même joyeusement. Il apprit l'art de la peinture à Fra Diamante qui, dans l'église du Carmel de Prato, exécuta maintes peintures à la manière de son maître, qui l'imitait parfaitement. Et la perfection qu'il y atteignit lui valut grand honneur. Fra Filippo eut également pour élève le jeune Sandro Botticello, Pezzelio, et un peintre florentin nommé Jacques del Sellaggio, qui, à Florence, peignit deux tableaux dans l'église de Saint Fradiano et un autre à la détrempe dans l'église du Carmel. Et Fra Filippo eut encore une foule d'autres élèves à qui il enseigna son art toujours bien affectueusement. Les bénéfices de son travail lui permirent de vivre à son aise, et même de dépenser beaucoup pour ses aventures d'amour, et de celles-ci il ne cessa point d'avoir le goût, toute sa vie jusqu'au dernier moment. La protection de Côme de Médicis lui valut d'être appelé par la commune de Spolète pour y peindre à fresque une chapelle dans l'église cathédrale de Notre-Dame. Et là, en collaboration avec Fra Diamante, il conduisait à bon terme cet important ouvrage, lorsqu'il fut surpris par la mort qui l'empêcha de l'achever. On a dit, à ce propos, que comme il continuait d'être tout préoccupé de ses bienheureuses intrigues d'amour, les parents d'une certaine dame dont il était alors amoureux l'auraient fait empoisonner. Fra Filippo finit le cours de sa vie en 1438, à l'âge de 57 ans. Il laissait par testament à Fra Diamante la tutelle de son fils, alors âgé de 10 ans, à qui Fra Diamante devait apprendre l'art de la peinture, et avec qui il revint à Florence en emportant 300 ducats qui étaient restés dus par la commune de Spolète pour le travail fait. Mais le susdit Fra Diamante employa cette somme à l'acquisition de certains biens pour son propre compte, et n'en réserva qu'une très petite part pour le fils de son ancien maître. Ce jeune garçon entra alors dans l'atelier de Sandro Botticello, qui était considéré comme l'un des meilleurs maîtres de Florence. Son père, Filippo le Vieux, fut enterré dans un tombeau de marbre rouge et blanc que les habitants de Spolète firent élever dans l'église qu'il avait peinte. Sa mort fut pleurée de nombreux amis, notamment de Côme de Médicis et du pape Eugène, qui, du vivant du peintre, avait voulu lui octroyer la dispense nécessaire pour pouvoir devenir le mari légitime de sa Lucrèce, fille de François Bouty. Dispense que Fra Filippo, sans doute pour garder sa liberté, ne se montra jamais soucieux d'obtenir. Plus tard, du vivant de Sixte IV, Laurent de Médicis, devenu ambassadeur de Florence à Rome, fit exprès le voyage de Spolete pour réclamer à cette commune le corps de Fra Filippo, qu'il voulait faire enterrer dans la cathédrale de Florence. Mais les gens de Spolete lui répondirent qu'ils étaient pauvres en ornements et surtout en grands hommes, de telle sorte que pour leur honneur, ils demandaient en grâce que celui-là leur fût laissé, ajoutant que l'on avait à Florence un nombre infini d'hommes fameux et presque jusqu'au superflu, et que donc on y pouvait bien se passer d'un grand homme de plus. Et le fait est que la démarche n'eut point d'autre suite. Mais il faut dire encore que plus tard, Laurent de Médicis, résolu à honorer Fra Filippo le mieux qu'il pouvait, envoya à Rome, au cardinal de Naples, le fils du peintre, Filippino, afin qu'il peignît pour lui une chapelle. Et Filippino, en passant par Spolete, toujours sur la commande de Laurent, fit faire à son père un tombeau de marbre au-dessous de l'orgue et au-dessus de la porte de la sacristie. Il y dépensa 100 ducats d'or qui furent payés par Onuf Tornaboni, maître de la banque des Médicis. Et Messire Ange Politien fit graver sur ce tombeau, en lettres antiques, l'épitaphe suivante que lui avait commandé Laurent de Médicis. Conditus hic ego sum picturae fama Philippus, nulli ignota meae est gratia mira manus, artifices potui digitis animare colores, speratacue animos fallire voce diu. Ipsa meis stupuit natura expressa figuris, meque suis fassa est artibus esse parem. Marmoreo tumulo medices laurentius hic me condidit, ante humili pulvere tectus eram. Fra Filippo faisait aussi d'excellents dessins, comme on peut le voir dans mon recueil de dessins des peintres les plus fameux, et en particulier dans certaines feuilles où sont dessinés le tableau de l'église San Spirito et les fresques de la chapelle des Pratos.